la beuh, briquet dans la paire d'Azix. Merci la F, Total ND, c'est devenu Matrix. J'mise hawaïenne avec une portoricaine. Demande à Kamel, nous on dort pas le week-end. J'aime voyager, rouler toute la nuit. Seul dans le désert, on prend tous habits. Traction bar, bar, bar, comme tes bars.